Radiomatique. Thank you. amorcer la transmission 492 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le duo anglais Radium 88. Ils nous interprétaient la pièce All in the Mind de son 10e et plus récent album See Saw, paru le 8 avril 2024. Et allons-y maintenant avec le projet Intermix. We'll be right back. We have transferred all knowledge from his brain to our machine. D'écouter Smart Systems, un projet parallèle mené au début des années 90 par les membres de Future Sound of London. La pièce intitulée Creator est apparue originalement sur le mini-album Pulse 4 en 1992 et on peut aussi la retrouver notamment sur l'anthologie Heartbeat regroupant quelques projets de Future Sound of London. Avant Smart Systems, c'était le projet Intermix mené dans la première moitié des années 90 par les membres du groupe Frontline Assembly. du premier album homonyme de Intermix paru en 1992, nous avons entendu la pièce Target. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo londonien de KVB. Thank you. s'agissait à Audiomatic de la formation française Collection d'Arnel Andrea, de son 12e album studio A Forest Inside, sorti le 15 décembre 2023. Nous vous avons présenté la chanson Pieces of Rain. Précédemment à Collection d'Arnel Andrea, nous avions droit au groupe anglais Drala et la pièce Grief in Fantasia, extraite de son 2e album Angel Tape, lancé le 5 avril 2024. Et pour amorcer cette séquence, c'était le duo anglais de KVB, de qui on entendait la chanson Dead of Night, tirée de son plus récent album Tremors, paru également le 5 avril 2024. Audiomatic se poursuit sans attendre avec la pièce Days of Magic, issue de la collaboration entre les artistes Eric Wallow et Byron Metcalf. Thank you. cette séquence musicale se concluait sur la musique du groupe Resplendor et sa pièce Twilight tirée de l'album Pléamar sorti en 2008. Et avant Resplendor, c'était les artistes Eric Wallow et Byron Metcalf qui nous offraient la composition Days of Magic issue de leur album collaboratif Earth Luminous. En conclusion de cette transmission 492 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe canadien Crack Cloud. De son deuxième album, Tough Baby, sorti en 2022, nous entendrons la chanson Criminal. La transmission 493 d'Audiomatique se concrétisera mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM avant d'être dématérialisé dans les univers numériques pour une écoute sans contraintes spatio-temporelles. Vous pouvez y accéder moyennant une visite sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Crack Cloud et la chanson Criminal. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Cause I'm facing time. I have been labeled as a criminal. Yeah, he's not here because death came by him when I was nine. She said I've been feeling so cynical. Yeah, I've been lost because I could not find my place in life.